pensais pouvoir décoller sans atterrir. Depuis que t'es parti, j'ai perdu le goût de rire. J'gardais la face devant les gens, oui, mais le pire, c'est que je suis condamné à le penser sans le dire. Oui, j'ai mal. Depuis que t'es parti, tu sais, j'ai mal. C'est avec toi que je voulais bâtir un empire. Oui, papa, qui va réparer si j'ai pas peur? Qui, papa, depuis que t'es parti, tu sais, j'ai mal.